Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus. Téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. C'est l'heure de remonter le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 5 mars de quelle année? De l'année 1953. Ça fait frémir tout le monde. Staline vient de mourir, bouleversement mondial. Or, ce décès historique a éclipsé celui d'une autre grande figure russe, le compositeur Sergueï Prokofiev. Donc, Prokofiev et Staline sont morts le même jour? Évidemment, on n'a parlé que de Staline. Et c'est même un peu plus vicieux que cela, puisque le pouvoir soviétique a occulté délibérément la mort de Prokofiev pour ne pas faire d'ombre au petit père des peuples. Évidemment, la Pravda, qui était l'organe officiel du parti, va mettre 6 jours avant d'annoncer la mort du grand musicien. Et du reste, sa famille a été sommée de ne pas ébruiter la nouvelle tout de suite. Seule une quarantaine de personnes va assister aux funérailles de Prokofiev en catimini dans un petit cimetière proche de Moscou. Et Staline? Staline, c'est tout le contraire. D'abord, il faut vous dire que Staline a été victime le 28 février 1953 d'une attaque cérébrale. On l'a retrouvé étendu dans sa chambre et c'est là que prend place une scène de tragicomédie assez inouïe. Le tyran avait interdit la présence des médecins. Vous savez, c'était l'histoire du complot des médecins. Ils pensaient qu'on complotait contre lui. Seul Beria, donc le chef de la sécurité, sinistre personnage s'il en fut, peut prendre la décision de faire venir un docteur. Beria constate l'état critique de Staline, seulement il refuse de faire venir des médecins. Et pour cause, une nouvelle purge était en préparation. Et Beria savait très bien qu'il était sur la liste cette fois. Autant vous dire qu'il n'était pas fâché de voir Staline passer l'arme à gauche. Le matin du 5 mars, donc, Staline meurt. Son corps sera exposé dans le mausolée de la Place Rouge, à côté de celui de Lénine. Et puis, c'est Khrushchev qui va prendre le pouvoir pour desserrer un petit peu le carcan idéologique. Enfin, ça nous entraîne sur d'autres terrains, bien sûr. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Et oui, nous évoquerons un grand ambassadeur des États-Unis, Benjamin Franklin. A tout à l'heure Franck, bon réveil si vous nous rejoignez sur Europe 1, Europe 1.fr, la radio et la vidéo à 6h20.